Cet amour-là, écrit par Anne Perrin, lu par Armen pour audiocité.net. À l'être aimé, il se reconnaîtra. Préface. Ici, l'amour est une promesse, la promesse d'une évidente certitude. Avec cet amour-là, Anne Perrin hisse à son point d'incandescence le discours amoureux. Cet amour-là n'est pas un amour de plus jalonnant un chemin de vie, c'est l'amour majuscule, celui de tous les possibles et de toutes les délivrances. Ce recueil s'érige tel un ardent monologue où chaque respiration insuffle à l'aimé sa magnificence. Je t'écrirai à plein poumon tout ce qu'une vie peut offrir. Ces mots de plénitude confiés à celui qui attend, ces mots qui s'affranchissent et s'immiscent dans l'urne ardente du désir, entre ciel et mer, entre absence magnifiée et jouissance infinie, ces mots débordent d'absolu. La plume d'Anne Perrin est vive, soyeuse, heureuse. Elle embrase les courroies frénétiques de la passion pour ne garder que l'essence même des flamboyances qui l'animent. Ce qui fait jour ici, c'est une conception novatrice et égalitaire du partage, privilégiant l'abandon de soi à la possession, l'offrande suprême aux affres du doute. Oh, combien l'instant durera une éternité de soupirs et de désirs. Ah, qu'il est bon le temps d'aimer. Tout est clair, limpide, abouti. Les âmes et les corps s'épousent loin des frasques du monde et rien ne saurait barrer la route à ce bonheur, pas même l'absence, puisque l'horizon déploie ses lapis sur une terre promise et métamorphosée. Alors la foudre pourrait tomber, les arbres prendre feu, plus rien ne pourra nous séparer. Cet amour-là s'éloigne des éloges lyriques pour mieux s'approcher d'une définition de l'amour, un amour que l'on devine en mouvement, perfectible et prégnant au plus proche du vivant. Et l'allocuteur est terriblement présent, présent à tout jamais sur la fresque de l'émerveillement, en communion avec l'essentiel, les bras ouverts et le cœur tendre, lui par qui tout existe enfin. J'ai respiré l'indicible d'un désir suspendu. J'ai approuvé ta part du vide, la sachant pleine de moi. J'ai orienté ma vie vers sa part la plus belle. J'ai déshabillé nos âmes, et là, je t'ai reconnu. Je te soulève de mes souhaits, enfin. Le lecteur refermera le livre, sachant que quelque part la vie est en fleur et que le pays où s'ébroue l'amour est une extension du monde. Sylvie Méheux. Tu m'écris des mots, je savoure, je t'écris l'empreinte qu'ils font. Tu m'écris au cœur de la nuit, je crois entendre ta voix. Je fais des petits papiers qui collent à ma peau, c'est pour garder ces mots en moi, et que tu me lises en traces sur tout le corps. Tu m'écris ou tu écris, qu'importe, je m'accapare, les songes surgissent d'avec tes mots pour écrin. C'est comme la bougie qui va s'éteindre à sa flamme vacillante. Je lis tes mots pour faire durer l'amour. Tu m'écris, mes cris sont des silences. Entends l'appel, ma peau transcende, regarde, lis. Parle-moi de ce chemin de pierres et de cendres dont tu connais en secret la géographie, et je viendrai me recueillir en lui afin que tu me respires et me fasses grandir. J'en ai vu des ailleurs, mais jamais le tien. Sans être une inconnue, tu sais beaucoup de moi. Je ne peux couvrir l'aube de mes bras. J'ai ma pensée, le cheminement d'être deux en ces rivages, dans la douceur des goélands. Il est un temps de rivière qui mène à la mer. Je suis dans la brume en quête de lumière. Tu fais soleil, tu fais jour à mes ombres, et dans ton épure j'aime ton présent. Quel est ce reflet si étrange que je vois passer en tes yeux? Quel songe t'habite pour éterniser ainsi cette lueur qui fond et s'en va? Aux rives du ciel, tu fais écho et ta main découvre ce que le plaisir. Quelle vague saura emporter la magie des rêves en des sables de dunes sur l'horizon d'un corps? Je dépose à tes pieds la clé qui ouvre sur un cœur aimant. Il n'attend que toi. À la rage du couchant, j'ajoute un zeste de tendresse et de nos gestes frêles, nous ferons le beau jour du demain. J'ai entendu le souffle de la vague murmurer ce qui attend à l'apogée des mers si proches du désir. J'ai attendu le signal de l'appel, ce qui était convenu à bord du grand navire, au départ sur le quai, seules les ombres, à l'arrivée, quelqu'un. Regarde un peu ces yeux, ce qu'ils disent sans un mot, un seul, ce qu'ils font de la loi du désir, quand tout est permis dans l'aube sous la lune seulement. Regarde un peu ce que font ces yeux de la mouvance en suspens, celle des corps effleurés dans le pot à pot pour les amours seulement. Regarde un peu, si loin des couleurs, tous les serments sont des anges de pureté, au sens propre et figuré, quand ils frémissent seulement. Regarde un peu, et si tu vois, alors nous sommes deux. Il faudra se tenir au doux de l'autre, en pareille étreinte, nulle crainte. Il faudra nous regarder aussi loin que l'horizon, à plonger derrière, nous serons vagues. Il faudra se dire ces mots qui font frémir, sans peur, avec bonheur. Il nous faudra du bleu avec du vert dedans, afin de sublimer tous les instants. Il faudra bien du courage pour rester à l'écart de toutes les violences qui nous entourent parfois. Il faudra s'y faire à fondre nos corps dans les eaux profondes et y apprendre à respirer vraiment. J'en ai connu des brumes épaisses qui faisaient écran de fumée par contagion ou damnation, des mots de rien sans rien à dire, de bassesses en illusion. Derrière chaque blessure, je savais la clairière, devinais l'ouverture, comme seuls les grands arbres savent t'en donner. Et puis, ce jour est arrivé où ta main m'a guidée vers la jouvence et la bonté, où les pleurs n'ont plus à s'écouler. Alors je la prends, cette main qui me caresse furtivement, et la guide aussi vers des fourrés qui m'appartiennent, là où le ver domine, avec eux nous serons tranquilles. C'est dans tes bras que je renais, ça je le sais, c'est dans tes bras que je veux finir, avec ta tête doucement posée à l'endroit du cœur, où ça palpite, à l'endroit des envies, là où tu sais si bien me définir. Seul le soleil peut, sur la mer évadée, signer la trace où gisent empreintes et glaces. Sous les affres lunaires s'estompent les rayons qui vaguent à l'âme. Sur les océans du ciel, les nuages déferlent un peu de leurs humeurs avant l'orage des cœurs. Seule la mer oublie ce que les vagues dispersent, morceaux de bois, morceaux de toit, dans le silence délavé. Sous les étoiles de l'absolu, il est un chant très peu connu qui gronde et qui rugit. Ce manque de toi fait rage en soi. Seule l'étreinte saura réparer ce vide immense, cet insensé. Il faudrait tes bras pour faire recouvrance, tes lèvres douces en humides, tes caresses emplies de baisers, tes cils recourbés sur la peau du regard. Tes éternels apaisements, tes sillages de frêles émerveillements, tes odeurs enfouies au jardin du secret, tes balbutiements tant ce serait bon de te retrouver, de se réchauffer, de faire un grand feu de joie, et puis surtout, il faudrait que je sois là, avec toi. Je me suis suspendue à ton regard comme à une lueur. étrange au cœur du soir. J'ai senti ta main fleurer le grain de ma peau de sa chaleur persistante. J'ai écouté ta voix d'ailleurs me conter des mots d'autrefois. Dans cette langue perdue, j'ai retrouvé ma vie. Puis j'ai rompu le charme de ta silhouette en éclairage direct. Surpris, aveuglé, tu t'es comme dissous. C'est à ce moment-là que tu as choisi de t'en aller, t'en retourner vers ta terre lointaine. Depuis ce jour, je repasse le film où tu réapparais. Je ne me lasse pas d'y voir et revoir ce que cette rencontre a laissé d'impérissable en moi. Face à ton visage, une aube naissante, celle d'un ange incarné, du doigt de la chance, il caresse, toi, la soyeuse, et les frissons se découvrent en mille petits gestes. Devine le souffle, le bruit que cela fait, si étrange dans le silence. Bruissement de peau qui se frôle lorsque l'âme est nue, de transparences en éternité, de quoi sentir les corps arrimés. Ils se confondent dans l'obscurité, tant embrasés que le feu s'allume. Alors il y a de ces êtres-là pour qui le temps s'arrête avant les étoiles de nuit jusqu'au profond du firmament. C'est un peu de l'horreur qui s'efface, c'est surtout du bonheur qui s'offre. Il y aurait cet instant suspendu hors du temps à faire vibrer l'air et figer les particules dans un lent ballet de nuages. Nous serions avec nos âmes jointes, peintes en couleurs, celles de l'éclat avant l'orage, avec cette lumière si particulière dans le fond des yeux. Comme deux inconnus qui se rencontrent et se savent avant même d'avoir parlé, nous serions de l'un mêlé à l'autre, indissociables à nous aimer. Alors la foudre pourrait tomber, les arbres prendre feu, plus rien ne pourra nous séparer. Comme un oiseau sur sa branche attend l'envol, comme une éclaircie dans les tourbillons de la vie, comme un silence qui s'installe à l'aube du jour, comme si le monde était vu en une seconde, comme si l'éclair de tes yeux faisait lumière en moi, comme le cri de l'enfant à naître, comme l'étincelle qui fait prendre feu. Comme c'est beau l'amour qui patiente et attend. Il faudrait de la dentelle de mots, des auréoles de douceur, des signes ineffables, des eaux courantes de pensées, des flaques de messages, des filatures de retour, des encombrements de sentiments, des miracles entendus, des murs ouverts, des mains chaudes, des pluies d'étoiles. Il faudrait le vent du matin pour me porter jusqu'à toi. Il faudrait tes bras pour me serrer très fort. Donne-moi l'oiseau du rêve, celui qui fait espérer en des îles à tire-d'aile. Fais-moi le doux d'une plume de songe ancrée dans la mémoire de cet avenir radieux. Envole-moi par-dessus les abîmes, au loin de tout, sauf avec toi. Derrière les rideaux de vie, les poètes sont là, ils nous attendent. Écris-moi tes mots d'encre où je peux m'imprégner, tant les couleurs y sont chantées avec le cœur en bandoulière. Vis-moi de l'intérieur, en mes entrailles palpite ce petit rien qui te ressemble, ce grand tout qui nous assemble. Entends ce qui bourdonne comme un refrain surgi du passé. Écoute cet air étrange et familier qui façonne dans l'espace cette chose que tu connais. Le trop-plein de vie qui assourdit puisse-t-il résonner encore dans la clameur de l'aurore, ce chant d'un ailleurs toujours espéré. À la vitesse de l'éclair, il saura te guider afin de rompre toutes les inimitiés et faire de nos lendemains ceux de la fraternité. Si je me tais, alors je vois ton visage. Si je souris, tu m'oublies. Si je m'enfuis, tu désespères. Alors je te parle sans bruit du haut de ma fenêtre. Vois-tu cette lumière au cœur de la nuit? C'est pour te dire je t'aime que j'écris. Sois donc patient de cet amour inconditionnel. Je saurai faire un poème et te le lire bien après minuit, si tu veux bien m'attendre, le temps d'en finir. Si je le crie, c'est pour que tu le saches, puisqu'au-delà des mots, il y a toi qui me souris aussi. J'habite un coin tranquille où les eaux vertes se mélangent à la canopée. J'y fais transhumance chaque jour que le temps permet. Il est un ciel qui m'appelle en d'autres lieux. J'y ferai silhouette à dessiner, à caresser. Le long chemin du fleuve m'a toujours guidée. Je connais des flots dont le ver n'a rien à envier. J'y serai en partance à l'ombre des vieilles pierres, avec mon cœur dans les bagages et une flamme allumée. Les rives ont leurs secrets dans le mélange des eaux. Je suis rivière amante de la mer, dans les bras de l'amour je vais me jeter. D'un drap de soie il recouvre le monde, sa lueur remplie de rêves enchante les ombres. Il vient à moi au clair de mes nuits, me conter ses amours. L'océan n'a qu'un seul destin, celui de faire chanter les sirènes. Venez mes nuits, je vous emporte dans les profondeurs des mers. Il y a celle qui attend, elle est celle qui l'a choisie. Il y a comme un éclair de tendresse dans ton regard lorsque tu touches ma vie. Il y a comme un espoir à te voir dire lorsque tu aimes. Il y a comme une déchirure dans l'air lorsque tu écartes les bras. Il y a comme un soupir qui dure lorsque je me serre contre toi. Il y a comme de l'orage aux alentours lorsque je me perds en toi. Il y a comme un mystère à me sentir si proche de toi. Il y a comme un chant céleste lorsque tu chuchotes les mots d'autrefois. Il y a de l'amour, ça j'en suis sûre. J'irai pêcher l'étoile au firmament d'un seul coup d'œil pour t'apporter la lune en couleur. Je ferai des châteaux de cartes à mélanger pour te tirer les lois du destin quand il tarde à venir. Je te raconterai tous les rêves que font les hommes à force de te connaître. Je t'imaginerai en noir et blanc parce que l'image est encore plus belle. Je t'enverrai danser dans des bals où la seule princesse ne sera pas celle que l'on croit. Je t'écrirai à plein poumon tout ce qu'une vie peut offrir. Jour et nuit, tu seras mon seul point d'attention, mon unique obsession, ma reine en devenir. Qu'est-ce qui fait l'infinitif du verbe aimer, comme le conjuguer au présent de l'infini? Nous sommes emplis de rêves qui nous composent à l'indice d'une durée. Nous sommes l'appréhension du futur qui résiste. Comment irradier nos vies pour qu'elles durent à la hauteur de nos espoirs? Ce sont des chimères qui nous façonnent à faire et à défaire ce que le réel refuse. Nous passons notre vie à espérer un lendemain plus proche de ce qui nous adhère, les pieds racines en terre, la tête fleurie d'étoiles, plus enclin à rêver la vie qu'à la vivre vraiment. Il en est des ailes comme des rêves qui survolent les immensités à y croire et s'envoler. En miroir de l'espérance, nous faisons croyance afin de nous mirer dans les yeux de l'autre. Il est court le chemin qui sillonne au loin dans le souffle des vagues. Il est proche l'instant à se dire les mots dans le coup de l'effleurer. Juste une fulgurance éprise de transe. Juste un mot pour dire ô combien le désir. Juste un entrelacs dans la chaleur des bras. Juste une faïence à quoi l'on pense. Juste un tremblement dans les rêves de l'un. Juste l'autre à aimer dans les jours dédiés. Juste se savoir et puis y croire. Enlacer, délacer, caresser, le juste après. Si fièvre des instants que la chaleur gagne, au plus près, en profondeur, dans la vague, submerge la langueur d'une épaisseur, d'un saisissement, se déplier, s'ouvrir, Et encore le corps frissonnant du ressentir, ému de cela, tant le ruissellement. Alors l'abandon, le laisser faire, l'attente du suivant et rien d'autre que toi. Je me suis débarrassée de chacun de mes oripeaux qui faisait lourd à mon corps. J'ai quitté mon manteau si chaud, tant le léger m'appelle. Un à un, chaque vêtement de trop est tombé sur le sol. Je me suis mise à nu, dans un striptease très lent, afin d'offrir ma peau à ton seul regard. J'ai tourné le dos aux ombres du passé, afin de voir seulement devant cette lumière que tu me tends. Il est là le temps des moissons, accueillir le sensible et s'en faire parure par tous les vents. Il est temps de se vêtir de la saison des champs, avec pour extase le blé des champs. Il est un paysage qui est celui du cœur dont on fait offrande sans embâge. Il est un cœur aimant qui frémit sous les caresses d'un soleil de juin. Il est un cœur qui attend l'instant de se délasser sous la main aimée. Il est un oiseau toujours à portée d'épaule qui fait pousser ailes et devenir. Il est un oiseau pour annoncer la vie, sur la grève des silences j'entends son cri. Il est un oiseau dont le bec attrape ce que le vent laisse aux ruines. Il est un oiseau doux frotté contre la joue, ce sont des baisers qu'il donne à l'aimer. Souple en courbure, l'étreinte en suspension, délicate aux lèvres, étendue de désir, le sillage d'une apparition. Elle est libre d'être, la prisonnière de caresses, douce à l'infini, la sauvage en ses étreintes, la décuplée par le plaisir, la divine en prière, seule survivante de la vague ultime. Elle est l'amoureuse du toujours, sensible à l'amant, le compagnon de vie, le frère qui manque, le semblable, le presqu'elle, tant elle le devine, l'imagine. Elle est. J'aurais voulu une terre ronde comme les amours profondes, mais je flanche à ton cœur si près de moi. Ce n'est pas un mirage, c'est un essentiel qui donne au corps sa raison d'être plus ronde que leur loi. J'aurais voulu des raisins d'abondance, mais c'est en tes lèvres que je bois tes essences, tes désirs de moi. J'aurais voulu marcher la tête en bas, mais c'est la persistance de tes caresses qui, elle seule, me tourne tes mon visage dans un vertige frémissant. J'aurais voulu disparaître de tant de coups bas, mais c'est à ta grâce que je dois celle d'exister, malgré cela, par et pour toi. Je devrais me taire, mais je suis éblouie de voir nuages faire baiser avec tant d'intensité. Anamorphose dans le ciel, métaphore de nos désirs si proches de la magie, anthropomorphe si délicat que les sens en sont bouleversés. Une bouche de feu pour apaiser les flammes, un trou de lumière à combler les absences, un firmament de larmes et d'attentes, comment être autrement si ce n'est ému par les patiences de l'infini? J'aimerais faire errance, me dissoudre en étincelles, tant je me sens éprise de la beauté quand elle nous chante sa mélopée. Il en va de certains cieux si proches des dieux que le cœur a des ratés. Soyons le ciel de tous les jours et faisons-nous la vie encore plus belle. Je connais des chemins de traverse, des épopées sans nom, où être ne ressemble à nulle part ailleurs, tant il fait bon y vivre. Je connais ce pas lent sur des pierres d'avant, où flirtent les brins d'herbe. Je connais cette sensation d'être à nul autre pareil avec mes horizons, et je savoure d'être femme singulière, et je ferme les yeux devant ce rêve si réel. Pourtant je vois toujours qui est là, avec moi, à désirer l'instant, celui de nous aimer. Si beau le ciel, chante ami, il est pour nous cet horizon de rêve. Si beau l'oiseau là-haut qui plume son désir de tant de fièvre. Si belle la mer qui tend ses bras envers les amoureux, donnons-lui nos mots de corail, elle en fera des vagues, l'enchanteresse. Si beau ce moment où les bleus se mélangent pour ne former qu'un seul plaisir, celui de toi, de me fondre en tes bras. S'y croire et se noyer sous les trombes d'eau coule l'air qui vient à manquer. Alors respirez. Il est toujours possible de redresser un peu les mots, surtout les sentiments, les tenir bien droits pour mettre en fleurs tous les instants. Heureux ceux qui aiment, la vie leur est offerte comme un cadeau, ce n'est pas rien de le dire, afin de ne jamais l'oublier. Seul un cœur aimant peut exister un peu plus, vraiment, déjà le baiser pour faire offrande. L'amour l'emporte toujours plus fort. Cet amour, c'est un présent qui a valeur d'éternité. Bas les masques et devant nous le vrai visage, celui du tendre aimé qui aimante le désir en pointillé. Oh les cœurs et fureurs de vivre, sous l'horizon des cieux, il se profile un ascendant de douceur. À travers les vents de mai se conjuguent les oriflammes qui font le ventre plus rond. Sous les caresses des vagues s'enroulent les lèvres éperdues, celles du baiser donné font fièvre en intérieur. Soyons la chance de la rencontre soyeuse, et de se glisser en permanence sera le plus beau des éveils. À bas les masques, haut les cœurs, nous sommes là, si loin de leurs ailleurs, si proches de nos encore. Si fleur est délicate, tant ombrée sous le soleil que les nuages s'en émeuvent, tellement d'absolu en ces nacres que le ciel s'ouvre, rosée matinale, vraiment posée en diagonale, seulement pour les fous d'amour et de vérité. Enfin, scellés sur la corniche, à peau de lèvres se répondent les baisers qui tuent en une seconde. Oh, combien l'instant durera une éternité de soupirs et de désirs. Ah, qu'il est bon le temps d'aimer. Nous irons peindre nos cœurs aux couleurs de l'instant, là où la vie chavire. Nous aurons les bleus du ciel, nous serons dans les silences immobiles, en apesanteur des frimas, tels des oiseaux éperdus, nous serons l'un à l'autre, les inséparables, ivres du bonheur d'être deux, attentifs au tressaillement des brises légères dans la sève de nos mots. J'en ai passé des nuits à arpenter les trottoirs de Manille ou d'ailleurs, à traîner mon errance au cœur des villes sous les lampadaires blafards. Je sais que ces pas s'arrêtent là, en bord de chemin, devant l'horizon tout neuf où mon regard peut enfin se perdre au loin. Il en va de cette vision comme d'une nécessité à prendre la vie par le cou et à projeter les espoirs sans limites ni frontières. Il me tarde le soir de glisser le long de ta joie pour enfouir ma main dans tes cheveux et de te chuchoter combien c'est bon de te sentir dans nos désirs et nos envies. Tu peux compter sur moi, je serai là en cas de tempête aussi, à te prendre dans mes bras, à te consoler, à te rassurer. Tu peux te redresser, nul ne saura ta peine si ce n'est moi pour t'écouter. Tu peux venir avec confiance, je suis ton alliée, ta confidente, ta désirée. Tu peux me croire sans ombre et sans ténèbres, seule la lumière tu mérites. Et dans les champs du demain, nous irons plus loin que le désastre qui nous encombre, des anges sur notre chemin.